Violeta Parra, elle n'est pas danseuse. Mais je vais vous montrer quelques pas de danse de Chili pour seulement pour que vous. C'est fini.